Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Eh, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Oh oui, oui, nous sommes de retour. Bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue à Econophile. Nouvelle saison, même défi, vous parler d'économie et rendre le tout digeste, intéressant et humain. Sortir des clichés, des dogmes, présenter l'autre côté de la médaille. Nous sommes de retour, mais moi, j'en reviens pas. Je reviens pas de l'actualité, de ce qui se passe chez nous. Moi, je me reconnais pas là-dedans. Je pense, je parle des choses qui sont passées ces derniers mois, dernières semaines, mais je me reconnais pas et vraiment pas, là. Et pourtant, je suis un gars de Québec. Hein? Moi, je suis né à l'hôpital de l'Enfant Jésus, ici, pas tellement loin. La première maison de mes parents, c'était à Val-Saint-Michel, qui est devenue à l'époque Val-Bélair. Oui, c'est vraiment... J'ai grandi à Val-Bélair, puis à Sainte-Thérèse-de-Lisieux, donc paroisse à Beauport. Et à l'époque, ça ne faisait pas de moi un gars de Québec, mais avec les fusions, finalement, on comprend que j'ai finalement réellement passé presque toute ma vie sur 44 ans à Québec. J'ai habité Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, Beauport. T'es un gars de la place, là, tu sais, un vrai. Et pourtant, je me reconnais pas dans les discours intolérants, les discours haineux, les discours racistes, les raccourcis intellectuels, les mensonges aussi qui sont diffusés largement. Moi, je me souviens de Québec, ville internationale, capitale mondiale, ville patrimoine de l'UNESCO, ville au statut politique assumé, ville qui donne l'exemple. Ville progressiste, ville d'accueil. Et là, il sort des hurluberlus, des fachos, sinon même des néo-nazis qui viennent réclamer la fermeture aux réfugiés, la fermeture aux autres, la disparition de ce qui fait de nous des humains. Comme si être accepté dans un pays était facile, hein? Comme si on laissait passer n'importe qui, n'importe quand. Je veux dire, on revient de voyage dans le sud, là, puis on est accueilli avec un air bête à l'aéroport. Imaginez si vous arrivez de l'étranger avec rien d'autre que votre misère sur les épaules. C'est pas vrai qu'il se fait n'importe quoi. C'est pas vrai que c'est simple non plus. Mais moi, j'ai une question à ceux qui s'opposent tout court, sans même réfléchir à la possibilité de faire preuve d'un peu d'ouverture. J'ai une question bien simple. À part être né à la bonne place, votre mérite, c'est quoi? Si vous étiez né dans un bidonville, entre deux tôles froissées, avec rien à manger, rien pour gagner votre vie, pas d'école, vous pensez sincèrement que vous auriez pu finir avec une maison, deux autos, un spa, une télé 50 pouces puis deux cellulaires? Vraiment? Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait de notre vie, une fois né ici, n'a pas de mérite, là. C'est pas ce que je dis. Mais, par rapport aux misères des étrangers, notre mérite, c'est quoi? C'est là qu'on réalise qu'au fond, ben on est riche parce qu'il y en a qui sont pauvres, très pauvres. Et c'est pour ça, notamment, que les pays ont décidé en 1951, avec la Convention de Genève, que quand quelqu'un dans la misère cogne à ta porte, ben on devrait peut-être, au moins, avoir l'obligation de l'écouter. Au moins. Parce que le reste de l'année, leurs ressources, on les tire par ici. Ce serait peut-être normal juste d'écouter, d'évaluer la possibilité de leur offrir un peu de ce monde meilleur dont on dispose, notamment parce que, de leur côté, ben, il y en a moins. Ça, je me reconnais là-dedans. Ouais. Ouais. Secouez les poubelles, on est de retour. Bienvenue à Econophile. Voilà, Alors, vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog. On est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore, ben, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. On va y placer les liens, d'ailleurs, utiles des articles dont on vous parle au cours de l'émission. Ça vous permettra d'avoir quelque chose à lire en attendant qu'on cogne à votre porte. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles, incluant la saison dernière, complète, dans la section « Émissions ». Jean-Claude Cloutier, bonjour. Oui, bonjour, David. N'est-ce pas? Content de te retrouver? Ah, très heureux d'être là, effectivement, oui. Le break a fait du bien. Oui, oui, je me sens honoré et très honoré d'être ici. Bien, également, et honoré de compter sur ta participation, ta très grande collaboration. Oui, et on repart en neuf avec une formule un peu modifiée, je le dis très candidement, je l'avais dit d'ailleurs au lancement de la programmation, un livre par semaine, j'étais avec d'y laisser ma peau. c'est un peu costaud, on va en présenter quelques-uns au cours de la saison, ça c'est clair, d'ailleurs on est en échange courriel pour les sélectionner, mais ce ne sera pas un par semaine. Quand ce sera le cas, et si ça s'y prête, il y aura entrevue avec l'auteur, comme on faisait d'habitude. Par contre, on va y aller par thématique cette année, une thématique par semaine qu'on va traiter, avec une partie un peu plus grande aussi pour l'actualité. Donc, ça va ressembler à ça, la formule. Et nous aurons, pour commencer, on commence assez grand, on parle de l'ALENA, Jean-Claude. Oui, oui, c'est un sujet qui en même temps est un grand sujet d'actualité parce qu'on en parle pratiquement tous les jours et ça suscite beaucoup d'anxiété chez les politiciens et dans l'opinion publique. On va essayer de démêler tout ça puis peut-être de dédramatiser un peu. Oui, effectivement, parce qu'on en parle beaucoup et peut-être même les gens savent, ouais, l'ALENA, ça me dit quelque chose, puis on finit par oublier jusqu'à quel point, en fait, ce que ça concerne, quel impact ça peut avoir, aussi quels sont les changements dont on discute et qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussions. Donc, c'est assez important. Ça, c'est pour la première, disons, le deux tiers de l'émission. Le dernier tiers de l'émission, lui, sera consacré à toutes ces catastrophes naturelles dont on vit à l'heure actuelle, qui sont, oui, au sud des États-Unis, qui a un coût important, mais qui a des impacts même jusqu'ici. Ah ben absolument. On l'a vu d'ailleurs, je voyais tantôt que le prix de l'essence était rendu à 1,30 $ du litre, c'est-à-dire une augmentation de 20 cents le litre ou même un peu plus en l'espace de quelques jours. C'est probablement relié à ces catastrophes à Houston et en Floride. Voilà, on en parlera un peu plus tard. Et puis pour commencer, donc, on va tout de suite vous mettre en bouche le chiffre de la semaine. Je vous pose la question en commençant l'émission, ça vous permettra de réfléchir ou de regarder sur Internet. Bref, quelle est la plus grande économie mondiale? Question. La Chine ou les États-Unis? Hein? Quel est le rang du Canada, d'ailleurs, et du Mexique, puisqu'on parle de l'ALENA? Donc, c'est laquelle la plus grande? Réponse, ben, en fin d'émission. Claude, commençons dès maintenant à parler de l'ALENA, peut-être même y aller très simplement, hein, parce que oui, l'ALENA, comme je disais, la petite publicité, c'est pas la... ça pourrait être le nom d'une femme qui poursuit Trump, mais c'est plus complexe que ça. On parle de l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain. Si je vous lis juste rapidement la petite définition de qu'on trouve sur Wikipédia, connu sous le nom donc d'ALENA, en anglais le North American Free Trade Agreement, qu'on appelle le NAFTA, que vous entendez de temps à autre. En espagnol aussi, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, et qui est un traité donc entré en vigueur le 1er janvier 1994, qui institue une zone de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, couvrant environ 480 millions d'habitants. C'est pour ça que c'est extrêmement important comme accord. Oui, oui, effectivement. On va, d'ailleurs, ça va bientôt faire un quart de siècle. Ça, on a déjà pas mal d'expérience. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de l'eau qui a coulé dans le Saint-Laurent et dans le Rio Grande depuis ce temps-là. Il y a des choses qui... C'est un peu, d'ailleurs, un des arguments pour voir l'accord, c'est que le commerce a beaucoup changé depuis près de 25 ans, et notamment le commerce électronique. Donc, c'est une des raisons, peut-être, qui justifie, au-delà des soubresauts là, de M. Trump, des sauts d'humeur de M. Trump, c'est ça qui justifie peut-être un intérêt pour réouvrir l'accord et voir si on peut l'améliorer. Parce que c'est pour nous, et ça, tu m'avais envoyé une série de chiffres et de tableaux très intéressants qui disent tout, le commerce extérieur et pour le Canada et pour le Québec est vital, et les Américains, c'est le gros morceau. Ben, c'est-à-dire les États-Unis, oui, parce que oui, peut-être mentionner quelques chiffres, là, même si on a peut-être des économophobes parmi nos auditeurs. On va garder ça simple. Mais en gros, c'est 27 % du PIB québécois. 27 % de la production économique du Québec dépend du commerce avec l'étranger, les États-Unis, le Mexique et tout le restant du monde. C'est plus que le commerce avec le reste du Canada. Le commerce avec le reste du Canada, c'est seulement 18 %. Donc, on dépend plus des marchés d'exportation que du reste du Canada. C'est peut-être une première donnée à se rappeler. Parmi les exportations, les États-Unis, c'est presque les trois quarts. C'est 71 % des chiffres de 2016 là, de nos exportations. Donc, c'est un partenaire extrêmement important pour le Québec. Pour les États-Unis, pour le Mexique, c'est beaucoup moins important. C'est 2 % seulement de nos exportations. C'est pas négligeable. C'est mieux que bien d'autres pays, mais c'est loin, très loin derrière les États-Unis. Principaux États qui achètent nos produits, l'État de New York, on comprend, c'est l'autre côté de la frontière, mais aussi le Texas et l'Ohio. Et peut-être que j'aimerais rajouter, là, ce qui est important, c'est de regarder, parce que ça a des conséquences sur les effets de l'ALENA, l'évaluation qu'on va faire de l'ALENA. Ce qu'on exporte principalement au sud de la frontière, États-Unis et Mexique, l'aluminium brut, donc des lingots d'aluminium, des avions, des moteurs d'avion, des produits du bois, des camions puis de l'énergie électrique. Puis en passant, l'aluminium, c'est de l'énergie électrique. Donc, notre grosse exportation, c'est de l'électricité qu'on exporte aux États-Unis. Ce qu'on importe, et ça, c'est intéressant, c'est qu'on importe quasiment la même chose. C'est-à-dire des automobiles, des pièces d'avion, des moteurs d'avion, des produits chimiques, des produits d'automobile. Donc, ça démontre que c'est très intégré. C'est-à-dire qu'on exporte, puis on importe quasiment la même affaire, c'est-à-dire c'est du commerce au sein des compagnies. Les compagnies s'échangent entre eux, avec leurs filiales, des pièces qu'ils assemblent, qui retournent dans l'autre pays. Et d'ailleurs, il y avait, et ça, tu me fournis, on pourra mettre le lien, là, un article intéressant que tu m'avais fait envoyer de Pierre-Paul Proulx qui parle justement de, dans tout ce contexte de l'ALENA, à quel point les chaînes de valeur sont importantes. Il faut expliquer ce que c'est et à quel point c'est carrément ce que tu dis par rapport à l'intégration, au fait que cette dépendance-là entre les deux, les ajouts des uns et des autres sont peut-être plus grandes que ce qu'on peut imaginer. Oui, bien, c'est l'autre façon de décrire la mondialisation. Ouais. Les gens, la mondialisation, c'est pas juste le commerce international. Anciennement, c'était ça, le commerce international. Maintenant, c'est le fait que les échanges sont décidés par des compagnies, des grandes entreprises, qui répartissent les différentes fonctions de leur production en différents pays selon les avantages de chacun. Ouais. Ils peuvent faire de la recherche à New York, faire de la gestion financière à Toronto, puis de l'assemblage à Mexico. Extraire les ressources ailleurs, c'est ça. Etc. Puis le produit, depuis son origine jusqu'à sa composition finale, son assemblage final, peut se déplacer plusieurs fois à travers la frontière. C'est un peu ça le concept de chaîne de valeur ajoutée. Chaque pays, chaque État, chaque province ajoute un peu de valeur au produit final, le transforme, l'améliore avant qu'on arrive d'un produit fini. De sorte, c'est ça la mondialisation, c'est que la production et le commerce sont conçus dans une perspective mondiale, en tout cas entre différents pays. Et c'est plus maintenant, le commerce n'est plus seulement une fonction de politique des pays, c'est une fonction de stratégie des grandes entreprises. Il dit ici, entre autres dans l'article, la production de biens et services canadiens exportés vers des marchés autres que les États-Unis a nécessité l'importation d'intrants américains d'une valeur de 20 milliards. Et c'est vraiment des sommes qui sont importantes. Le lien est très important. Il y a quand même des effets qui ont découlé de tout ça. Quand on parle de l'ALENA, maintenant, parce qu'on en rediscute, qu'est-ce que tu cibles, qu'est-ce que tu vois particulièrement à cet égard-là? Bien, c'est-à-dire, la première, on vient d'en parler, le principal effet, puis c'est... Dans le fond, c'est un constat peut-être de succès de l'ALENA. L'ALENA a vraiment réussi à transformer le système de production d'Amérique du Nord. Puis c'était probablement une des raisons, des motivations à l'origine de ceux qui ont décidé à la fin des années 80 là, de se lancer d'abord dans l'accord avec le Canada et les États-Unis, puis ensuite d'ajouter le Mexique en 93-94. C'était de faire un bloc commercial qui pourrait résister au bloc européen qui, à l'époque, allait beaucoup mieux qu'il va présentement. Et évidemment, à la montée éventuelle des pays en voie de développement. La Chine n'était pas encore tout à fait dans le radar à l'époque, mais on avait déjà une concurrence très forte du Japon. Le Japon stressait à peu près autant le monde à l'époque que la Chine les stresse aujourd'hui. Le monde est à peu près tout le monde, les chefs d'entreprise, les politiciens, etc. Donc, on a décidé de renforcer l'intégration de l'économie nord-américaine pour la rendre plus compétitive. Ce que ça voulait dire, c'est qu'on concentrait la production à certains endroits, on se répartissait davantage les produits, des fois on échangeait entre les différentes filiales d'une même compagnie. Donc, c'est un peu ça, ça l'a créé dans le fond, et c'est peut-être ce qui fait que l'ALENA, même si, n'en déplaise à M. Trump, on ne pourra pas la démolir du jour au lendemain. Même s'il abolissait le traité, les échanges continueraient de se faire parce que les grandes corporations, les grandes entreprises, ne peuvent pas changer le système productif du jour au lendemain. Peut-être que d'ici 10-15 ans, il y aura des choses qui iraient dans le sens que souhaite M. Trump, tout rapatrier aux États-Unis, mais à court terme, ça n'aura pas un impact aussi dévastateur qu'on pourrait le craindre. Alors ça, on va en parler d'ailleurs, toute c'est quoi la philosophie de Trump, qu'est-ce qu'il peut souhaiter, qu'est-ce qu'il obtiendra vraiment, on va en discuter dans quelques instants, mais tout ce que tu as dit, ça me revenait à l'esprit, cette phrase d'un économiste, quand on jase de tout ça, il dit, vous pouvez bien avoir des discussions, mais à un moment donné, là, money talks, et money talks assez fort, merci quand même. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетен, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким криком «Пли!» И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляя, с пулей удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ouais, j'ai pensé mettre la musique du peuple préféré de Donald Trump. Bon, maintenant, ceci étant dit, on poursuit quand même la lecture de choses qui vont être intéressantes et ajoutées à notre discussion. Je vous propose dès maintenant de lire une partie d'un article fort intéressant qui s'appelle « Le libre-échange, un dogme tenace ». L'histoire révèle que le commerce mondial a surtout profité à une minorité de grands intérêts qui lui étaient liés. Texte d'Hermel Cyr qui parut dans Le Devoir. Devant l'Assemblée des gouverneurs et premiers ministres du Nord-Est des Amériques, Philippe Couillard a professé la doxa d'un libéralisme datant de l'époque des calèches. Dans l'histoire de l'humanité, le protectionnisme a toujours nuit à la prospérité. Tiens donc. Et l'encyclique se poursuit. Il faut répéter avec force que l'ouverture des marchés, c'est ce qui va protéger l'emploi. Comme dirait Jean-Marc Fournier, être libre-échangiste, c'est une façon d'être protectionniste. L'un des dogmes les plus tenaces dont M. Couillard est le bon apôtre pose le libre-échange comme une condition à la création d'emplois. Or, l'histoire montre une réalité pas aussi simple. L'historien et économiste Paul Baeroc a même établi que, pour toute la période contemporaine, si on excepte la crise des années 30, la croissance fut plus faible lors des périodes libre-échangistes que lors des périodes protectionnistes. Ah. Contrairement à ce qu'on croit généralement, l'Angleterre ne fut résolument libre-échangiste que dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors qu'elle prenait son essor pour devenir la première puissance économique mondiale, au début de ce siècle, elle était parmi les États les plus protectionnistes d'Europe. John Nye a montré que les tarifs anglais furent supérieurs à ceux de la France jusque vers 1880. En 1820, le Royaume-Uni, première puissance économique mondiale, impose des tarifs moyens de 60% contre 20% pour la France. Or, devenue championne du libre-échange après 1880, elle vit son économie reculer relativement face à l'Allemagne et les États-Unis, deux pays alors protectionnistes. En France, le traité de libre-échange avec l'Angleterre, en 1860, inaugure une phase libre-échangiste. Cette période, qui aurait dû faire voie à la prospérité, montre plutôt un ralentissement de son économie par rapport aux années 1840-1860. Le libre-échange fait notamment croître ses importations agricoles, ce qui nuit à l'agriculture et aussi à l'industrie qui est affectée par la baisse du pouvoir d'achat des ruraux majoritaires en France. Un autre exemple est celui des États-Unis. Connaissant une prodigieuse croissance économique après la guerre de sécession, les États-Unis deviennent la première puissance industrielle mondiale vers 1890. Or, les États-Unis sont alors le pays le plus protectionniste au monde. La moyenne de leurs tarifs industriels est de 40 à 50 contre 9 à 12 pour les pays d'Europe occidentale. Pour le 20e siècle, des cas analogues se présentent. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les pays à économie de marché adhèrent au GATT, qui réduit graduellement les tarifs douaniers. Ceux-ci avoisinent 0 % au début des années 1970. Pourtant, en même temps que les tarifs s'estompaient, le PIB des pays signataires du GATT décroît et leur dette souveraine augmente. Et c'est le Japon protectionniste qui connaît la croissance la plus forte, plus de 10 % de son PIB. En tout état de cause, le lien entre libre-échange et l'augmentation du niveau de vie est loin de se vérifier. Ce que l'histoire révèle, c'est que depuis la mondialisation du 19e siècle et même avant, le commerce mondial a surtout profité à une minorité de grands intérêts qui lui étaient liés. Le rapport positif entre le libre-échange et la croissance économique est même nié par plusieurs observations. Jean-Claude, ça en dit long. En même temps, ça défait quelques mythes ou idées reçues à cet égard-là. Oui, oui, c'est-à-dire le libre-échange. Moi, on l'a dit à quelques reprises l'hiver dernier. Oui, oui, oui. Moi, ça fait longtemps que je pense ça. C'est que, pris globalement, pour la planète Terre dans son ensemble, le libre-échange, c'est très bon parce qu'on répartit la production aux endroits les plus efficaces, les plus performants, etc. Mais ça ne veut pas dire que qu'est-ce qui est bon pour la globalité est bon pour chaque membre individuellement. En fait, c'est souvent, ça peut avoir pour effet d'accroître des inégalités. Et ce que l'article dit, l'article de M. Cyr, c'est que les pays sont les plus avancés. L'Angleterre au 19e siècle, les États-Unis au 20e siècle, mais bientôt, ça va peut-être être la Chine. Les pays ont l'avantage à faire du libre-échange parce qu'ils permettent de s'approvisionner à bon compte chez des pays fournisseurs, puis de leur écouler leurs marchandises, les biens transformés, les services plus évolués, leur vendre en retour. Et donc, il y a une espèce d'intérêt. Quand tu es le plus avancé, tu es très gagnant. Donc, tu as intérêt, finalement, à préconiser le libre-échange. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des mauvais joueurs là. Dans les États-Unis, sont très bons pour vendre. C'était les champions de la libéralisation. On a parlé souvent l'hiver passé, le consensus de Washington incluait notamment la libéralisation des échanges. Sauf que quand ça ne va pas leur affaire, ils ont toujours des bons moyens pour bloquer le commerce quand le commerce est à leur détriment. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, et malgré toutes les louanges que les ténors de l'industrie au Canada ou de la politique, au Canada et au Québec, en faveur de l'ALENA, On oublie toujours que l'ALENA, ça ne fonctionne pas si bien que ça, parce que ça n'empêche jamais les Américains de nous forcer à acheter des produits locaux. C'est le Buy America Act. Ça existait avant l'ALENA. Ça existe toujours. Ça force toujours Bombardier à assembler ses wagons de métro dans l'État de New York, l'assemblage final, plutôt qu'à la pocatière. Et il y a également tous les droits compensateurs, les droits anti-dumping qui existaient avant l'ALENA, qui existent toujours aujourd'hui, comme on le sait très bien. On en reparlera peut-être cet automne, au cours des prochaines semaines. Le bois d'œuvre et éventuellement d'autres produits comme le lait peuvent être l'objet de Boeing qui menace Bombardier. Donc, les Américains sont des mauvais joueurs là-dedans. Oui, bien, on l'avait évoqué, effectivement, du fait qu'il y a du protectionnisme quand ça fait leur affaire, du libre-échangisme quand ça fait leur affaire. Donc, c'est vraiment à la pièce, finalement, selon les intérêts des uns et des autres. On vient de commencer à évoquer les enjeux. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent, bon, parfait, on a du fun, on parle de l'ALENA, on commence à comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est sur la table? De quoi on parle exactement? Quels sont les enjeux, les craintes aussi? Qu'est-ce qu'on surveille? Parce qu'on entend des discours de « il faut pas toucher à l'ALENA ». Il y a de l'espace pour de l'aménagement, il y a des choses à corriger. Tu viens d'ailleurs de le dire. Si c'était parfait, on ne serait même pas en train d'en parler. Bien, je vais peut-être commencer par l'aspect le plus positif qui, moi, me réjouit beaucoup. Et ça a été invoqué notamment par Mme Freeland la semaine passée. Les commentateurs ont dit que c'est probablement juste une position de négociation, mais c'est intéressant. Elle l'a dit, on va demander aux Américains et aux Mexicains de mettre dans le nouvel ALENA des normes de protection des droits des travailleurs. Puis ça peut inclure un salaire minimum, là, peut-être pas 15 $ de l'heure, mais plus élevé que 2 $ de l'heure au Mexique, 2 ou 3 $, et des normes environnementales également. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qu'on appelle les accords de nouvelle génération. Ne porte pas juste sur les tarifs douaniers qui sont rendus presque insignifiants. L'article de M. Cyr le mentionnait un peu tantôt. Mais toute l'activité, tout le commerce se joue au niveau des normes. Et évidemment, certains pays ont un avantage sur le Canada ou sur les États-Unis parce qu'ils n'ont pas de normes environnementales ou des normes environnementales très laxistes ou des normes du travail très laxistes. Madame Freeland, la ministre canadienne fédérale, a mentionné que ça, c'est une de ses demandes à ses deux partenaires. On soupçonne que c'est une position de négociation parce qu'on va peut-être négocier ça contre la protection des quotas ou d'autres valeurs, mais il reste que c'est intéressant. Et moi, ce qui me rend optimiste là-dessus, c'est même le négociateur américain, M. Lighthizer, a dit que lui aussi, c'est important pour lui parce qu'évidemment, pour les Américains, c'est de rehausser les normes au Mexique pour qu'ils soient moins compétitifs par rapport à. Mais moi, je trouve ça, c'est un aspect positif. Si les trois pays peuvent s'entendre là-dessus pour de meilleures normes de protection des travailleurs et de l'environnement, ça vaudra la peine d'avoir ouvert l'ALENA. Oui, parce que c'est sûr, quand on écoute Trump, c'est pas le roi de la nuance. Ça, on le sait, hein, on va le scraper, on va mettre un terme à ça. On a assez rapidement aussi compris qu'il pouvait dire ça, qu'il avait un intérêt électoraliste, sans aucun doute, à tenir ces propos-là, mais que dans les faits, on n'est même pas sur ce terrain-là. Les commentaires qui ressortent, et ce qu'on peut lire dans les différents journaux, c'est que non, il y a une volonté de négocier, il y a une volonté de faire des modifications, de faire des aménagements, ce qui fait que les demandes canadiennes ne sont pas si folles. On pourrait dire, ah, oubliez ça, ils vont se faire rejeter ça du revers de la main. C'est pas exactement ce à quoi on peut s'attendre, mais il y a des risques. Ça, c'est sûr qu'il y a des risques. Bien, pour reprendre toujours dans ce même exemple-là, mais il y a beaucoup d'autres, évidemment, d'autres choses qui sont sur la table. Mais moi, ce qui me rend optimiste là-dedans, c'est qu'il y a une certaine convergence d'intérêts entre les États-Unis puis le Canada. Évidemment, le Mexique est un joueur important. Pas sûr qu'il va être d'accord. Il va peut-être négocier ça contre d'autres choses. Un autre élément, puis ça concerne le Canada aussi, c'est le secteur énergétique. On en parle très peu, mais le contexte a changé énormément depuis 25 ans. Il y a 25 ans, au début des années 90, les États-Unis commençaient à manquer de pétrole. Aujourd'hui, c'est peut-être le premier producteur mondial grâce à la fracturation hydraulique. Ouais. Ça ne durera peut-être pas très longtemps, mais pour l'instant, ils sont en position de force. En 1993, le Mexique avait réussi à être exempté du secteur énergétique. Son secteur énergétique avait été exempté de l'accord. Le Canada, puis ça, on s'en est rendu compte uniquement par après, le Canada avait accepté de considérer les États-Unis comme son client principal en matière énergétique. On s'en est rendu compte lors du dossier de Rabascal, il y a 10 ans, on a découvert d'un coup sec qu'à cause de l'ALENA, toute la production excédentaire de gaz qui pourrait sortir du Canada devrait être acheminé aux États-Unis. On s'était rendu compte que les États-Unis avaient passé comme une petite vite. Ils avaient comme créé un marché continental des produits pétroliers. Le Canada a des intérêts présentement de vendre du pétrole aux États-Unis, enfin l'Alberta a des intérêts. Comment la négociation se fait sur l'énergie, on ne sait pas trop, mais c'est certainement, ça va certainement être un enjeu des présentes négociations. On fait une courte pause, on revient dans quelques instants avec la suite de cette discussion. C'est l'émission Économophile qui se poursuit au 89.1, CKRL. David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On parle de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, la patente que Trump aimerait bien scraper, mais qu'il ne peut pas vraiment, on l'a compris, on l'a dit. Je vais vous lire une partie de l'article publié, en fait, c'est de la plume de Simon-Pierre Savard-Tremblay. C'est paru dans le Journal de Montréal, « La fin de l'ALENA, pourquoi pas? Hein? » Parce qu'on pose la question, et si on mettait un terme à tout ça? Donald Trump a encore agité il y a quelques jours le spectre de la fin de l'accord de libre-échange nord-américain. Quoi qu'il en soit sur la gestion de l'offre, la culture, le travail et l'environnement, les points de vue sont diamétralement opposés et on voit difficilement comment les demandes canadiennes pourraient être couronnées de succès. Bon, lui, vous voyez, hein? Les entreprises transnationales sont très puissantes aux États-Unis, certes, et cette donne est loin d'être négligeable. Nous sommes extrêmement loin d'un nouveau traité qui révolutionnerait le commerce afin que celui-ci se place au service de l'être humain. Penchons-nous sur l'autre possibilité, celui d'une abolition pure et simple de l'accord. Est-ce que cela représenterait la catastrophe annoncée? La réponse courte est non, et ce pour une raison toute simple. L'ALENA se superpose à l'ALE, l'accord de libre-échange. L'ALE a été ratifié par le Canada et les États-Unis en 1988, donc 6 ans avant l'entrée en vigueur de l'ALENA, qui l'a supplanté. La fin de l'ALENA ramène normalement, tout simplement, à l'ALE. D'un point de vue strictement économique, les différences entre les deux traités sont marginales, les deux favorisant la circulation de biens et services entre les partenaires. Néanmoins, s'il y a une distinction substantielle, outre l'absence du Mexique dans la première mouture, c'est celle du chapitre sur les investisseurs. Tout cela paraît très technique et juridique, mais le diable est toujours dans les détails. Et l'ALENA ajoute un élément extrêmement pervers, celui de permettre aux entreprises étrangères de poursuivre les États si elles estiment que leurs profits sont menacés. Des compagnies à but lucratif peuvent ainsi démanteler des lois démocratiquement votées. Voilà, je vais m'arrêter ici, Jean-Claude, si tu le permets. Ça met la table néanmoins pour la suite des choses. On avait d'ailleurs évoqué ce risque, cet effet très pervers du fait qu'on pouvait poursuivre les États même s'ils respectaient leur propre législation. Bon, Simon-Pierre Savard-Tremblay est peut-être plus pessimiste que toi pour l'ensemble de l'œuvre. Mais ce qu'on comprend de tout ça et ce qu'il faut retenir, c'est que même si on scrapait ça demain matin, il y a encore quelque chose derrière. Ben oui, il y a des filets de sécurité. Il y en a même plusieurs, à la limite. Mais d'ailleurs, commençons. J'aimerais quand même développer un petit peu l'argument de Simon-Pierre Tremblay, Savard Tremblay. C'est intéressant parce que effectivement, il reste encore l'accord de libre-échange. Donc, le Canada, tout ça, ça existe encore. Mais moi, là où il est trop optimiste, moi, j'ai l'impression que M. Trump, s'il est cohérent, il va dire non seulement d'abolir l'ALENA, mais d'abolir également l'ALE. Ce serait logique. Mais même s'il abolissait l'accord de 88, l'accord avec seulement bilatéral entre les États-Unis et le Canada, il reste encore toutes les règles de l'OMC, en fait, à l'époque, le GATT, l'accord général sur les tarifs et les douanes. Oui. On a parlé un petit peu tantôt dans l'article de M. C. que tu lisais, c'est que les tarifs sont rendus très bas maintenant. C'est-à-dire les tarifs moyens entre les pays développés, c'est moins de 5%. Là, ça peut varier selon les produits, mais dans le fond, si on change, si l'accord de libre-échange, l'ALE et l'ALENA, les deux accords étaient abolis, probablement que nos exportateurs feraient face à des tarifs aux États-Unis de l'ordre de 2%, 3% peut-être, dans certains cas, 0%. C'est beaucoup moins de toute façon que les variations du taux de change qui peuvent varier d'un mois à l'autre. Donc, ce serait probablement insignifiant. Puis, comme on l'a mentionné plus tôt dans l'émission, de toute façon, l'économie nord-américaine est tellement intégrée maintenant qu'il n'y aura pas de changement là, du jour au lendemain. Peut-être que d'ici 10, 15 ans, peut-être qu'il y a certaines relocalisations d'entreprises. Troisième élément, puis c'est un élément un peu curieux, mais il reste que probablement que la délocalisation des entreprises, en fait, la perte d'entreprises manufacturières, autant au Canada qu'aux États-Unis, c'est pas pas tellement du fait de l'ALENA, c'est à cause de la montée de la Chine, de d'autres pays en développement. Fait que probablement que ALENA ou pas, on aurait perdu une bonne partie de notre secteur manufacturier et ça, ça reviendra pas. Fait que qu'on abolisse ou non l'ALENA, je pense que l'économie du Québec, l'économie du Canada a été transformée pour longtemps. Si on est maintenant en compte davantage sur des produits peut-être plus et des services, des produits plus sophistiqués, plus évolués, mais on dépendra toujours aussi, ça, faut se le rappeler, sur les matières premières, sur les ressources naturelles. Je le mentionnais tantôt, c'est que malgré tous les beaux discours, toutes les fois où on se pète les bretelles pour dire que l'économie du Québec est une économie d'avant-garde, puis le Canada aussi, il reste qu'on est encore beaucoup des producteurs de ressources naturelles. Oui. Notre principale exportation, c'est encore l'électricité, sous forme d'électrons ou sous forme d'aluminium. Puis le marché de la Chine qui va s'ouvrir, qui va peut-être remplacer progressivement le marché américain, ça va être aussi beaucoup un marché de ressources naturelles. Je pense pas qu'on va aller vendre des produits finaux aux Chinois, ça m'étonnerait bien gros. Maintenant, si on fait un peu de boule de cristal, on va se permettre de le faire, on a le droit. Ton feeling par rapport à ça, ça va se terminer comment? Où est-ce qu'on va s'arrêter? Qu'est-ce qu'on peut tenter de prédire, en tout cas? Bien, on l'a pas peu de temps de le mentionner, mais beaucoup d'observateurs ont mentionné que c'est un exercice très, très difficile parce qu'il y a à peu près 3-4 mois pour s'entendre, alors que les derniers accords ont pris des années. Oui, on parlait de au moins 3 ans la dernière fois. Bien, pour l'ALENA, mais le PTP que M. Trump a démoli, là, a mis aux oubliettes, ça a duré 7 ans. Oui, c'est vrai. Puis l'accord entre le Canada et l'Union européenne, ça a duré 5-6 ans aussi. Mais probablement qu'ils vont s'entendre sur des choses minimales pour un peu pour sauver la face, mais que ça ira pas aussi loin que M. Trump l'avait espéré. Et ce qui, par contre, ce qui peut jouer en faveur des négociateurs, c'est qu'ils vont justement probablement profiter de ce qui a déjà été négocié dans le PTP, dans le partenariat transpacifique, et dans le cas du Canada, avec l'accord avec l'Union européenne. Donc, il y a déjà du terrain qui a été déblayé lors de ces accords-là, et ça va peut-être leur permettre d'arriver à des résultats quand même qui vont être un peu mieux que rien du tout là, d'ici 3 ou 4 mois. Dans un des articles de The Economist, auquel je suis maintenant abonné, j'essaie de rentabiliser mes affaires, on parle notamment du marché, possible marché intégré de l'énergie. Tu l'évoquais un peu, là, ça fait partie des choses dont on dit que ça peut être une des conclusions, ouais. En tout cas. Oui, mais une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, ce qui est très frustrant, puis c'est qu'on ne saura pas grand-chose de tout ça, sauf une fois que ça va être conclu, parce que, par définition, les accords, il faut qu'ils se fassent à huis clos. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'insurge contre ça, qui se scandalise que ça se fait derrière des portes à clos, mais ça ne peut pas être autrement. C'est impossible que les négociateurs négocient sur la place publique. Il n'y aura aucune marge de manœuvre. Donc, probablement qu'on parlera d'énergie, mais comme en 93, on va probablement apprendre peut-être même des années après, ce qui s'est vraiment conclu. Il y a aussi, tu as parlé du facteur temps, du fait qu'on avait quelques mois pour réaliser quelque chose qui est un exploit en quelque part. Et je sais qu'on surveille aussi dans le rétroviseur, si on veut, les élections mexicaines, parce qu'on parle d'un candidat, Andrés Manuel López Obrador, qui est un anti-américain convaincu. C'est le Trump mexicain. Ouais, et voilà. On peut s'en moquer, mais c'est vrai qu'il y a un effet sévère qui sent cette pression-là. Ils doivent tenir compte du contexte politique dans ces négociations-là, c'est évident. Mais moi, je pense que les Mexicains étaient en plus mauvaise posture peut-être que le Canada, toute proportion gardée, là, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup profité au niveau du secteur manufacturier. Là. Ils ont beaucoup, dans les maquillages de race, là, beaucoup d'usines se sont déplacées au sud de la frontière Mexique-États-Unis. Eux ont plus à perdre, je pense, des négociations actuelles. Donc, ils vont probablement mettre de l'eau dans leur tequila, là, parce que sinon, ça serait menaçant pour eux. En conclusion, l'ALENA est là pour rester, c'est ce que je comprends. Elle sera bonifiée. On saura à la fin, certes, ce qui en adviendra, mais c'est là pour rester. Là. Oui, parce qu'on n'est pas les premiers à le mentionner, là, mais la grande entreprise américaine, puis beaucoup de dirigeants d'État américains, des gouverneurs, des sénateurs, des représentants au Congrès, savent très bien que leur économie en dépend des liens avec le Canada, selon le cas, ou avec le Mexique dans d'autres cas. Et il ne faut pas oublier le facteur Trump qui, d'ailleurs, il perd aussi de son pouvoir. Moins il est fort, moins il est imposant sur la place publique, plus ça devient facile aussi même de plus craindre du tout ses colères. Ben moi, ça joue de deux façons, parce qu'il va être... désespérément besoin d'un coup d'éclat. Trump, présentement, d'un succès, donc il serait porté à faire des gestes spectaculaires concernant l'ALENA. Par contre, il va très certainement être bloqué par le Congrès. Puis la raison qu'on vient de mentionner, beaucoup de sénateurs et beaucoup de représentants voient très bien leur intérêt. Puis il y a beaucoup de lobbyistes, surtout, qui sont très présents à Washington, qui vont faire pression pour que l'ALENA reste, au moins pour l'essentiel. Merci Jean-Claude. Au retour de cette petite pause musicale, on va discuter maintenant des catastrophes naturelles et l'économie qui y est liée aussi, bien sûr. Mmh. sale pis longtemps. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold. Dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Bon, retour maintenant pour discuter du sujet suivant dans l'émission, sujet important qui fait aussi jaser énormément, qui fait craindre le pire aussi. Et on le vit, le pire au sud des États-Unis, dans les Antilles et ailleurs, c'est vraiment pas facile. Donc, on parle des ouragans, c'est la saison des ouragans. Harvey a fait des siennes très solidement au sud des États-Unis. Juste pour vous donner une petite idée, je vais faire un rappel des chiffres pour vous donner une idée de la perspective. Des experts avancent un coût global de 140 milliards de dollars, mais ils soulignent que Houston est équipé pour rebondir, semble-t-il. La Maison-Blanche a réclamé le déblocage d'environ 7,85 milliards en urgence. Et il y a d'autres sources qui parlent de 180 milliards, soit plus que Katrina en 2005, hein, qui était à 160, ou Sandy en 2012, qui était à 70 milliards. On parle vraiment de montants extrêmement importants. Et aussi dans l'article, on mentionne seulement 15% des maisons étaient assurées contre les inondations à Houston. Au total, à peine 40% des pertes devraient être remboursées, et pour une large part par l'État fédéral. Depuis 1968, c'est une agence d'État qui prend en charge l'indemnisation des inondations car les primes d'assurance devenaient trop prohibitives. Ah tiens donc. Mais il faut être assuré pour en bénéficier. D'où les commentaires d'ailleurs et moqueries, hein, Jean-Claude, de ceux qui pointaient du doigt les conservateurs anti-étatistes. Hein, voyez, l'État n'en a pas besoin. Finalement, ben, peut-être plus que tu penses. Ben, c'est ça. C'est comme on disait en 2008 avec la crise financière, il y a beaucoup de gens qui sont prompts à dire qu'il faut privatiser les bénéfices, mais quand il y a des risques, là, il faut les socialiser. Exact. Maintenant, évidemment, se pose la question des responsabilités et des impacts. On va peut-être commencer par des impacts, parce que ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'on en a jusqu'ici. Ça, tu voulais parler de ce qu'on ressent jusqu'ici de l'autre côté de la frontière, parce que non, l'ouragan ne se ramassera pas ici, mais des secousses, on en a. Ben, c'est-à-dire, ça peut être à la limite être positif. C'est un peu paradoxal. Je mentionnais tantôt peut-être un impact négatif. Là, c'était très prévisible. C'est-à-dire, le prix de l'essence, le prix des, va augmenter parce qu'on craint beaucoup pour les raffineries. En fait, les difficultés d'approvisionnement ou même de fonctionnement des raffineries à Houston. Il faut se rappeler que Houston, c'est le grand centre de production pétrolière, là, de raffinage du pétrole aux États-Unis. C'est pas juste le centre de commande de la NASA. C'est aussi le centre de commande de l'industrie pétrolière. Ce qui explique ça, parce qu'il y a eu tout de suite, je t'arrête trois secondes, parce qu'il y avait beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux notamment, qui disaient, c'est drôle, hein, l'essence qui est déjà payée, qui est dans les citernes, dans les conteneurs, ici, dans nos stations d'essence, hein, c'est drôle, le prix a monté quand même tout de suite. Il y a un effet immédiat pour la hausse, alors qu'on a l'impression, comme consommateur, que la baisse est un peu plus longue. Oui, ça, c'est impossible de donner une réponse en quelques secondes, mais ça vaudrait la peine, je pense, David, d'y revenir cet automne, parce que c'est un sujet, évidemment, qui comme les tempêtes, les ouragans reviennent là, régulièrement. Mais oui, l'autre aspect qui paradoxalement, pourrait presque être positif, en tout cas pour le Canada, c'est qu'il y aura de la reconstruction va être nécessaire, autant en Floride qu'au Texas, et que là, ça pourrait créer une demande pour des produits canadiens, notamment, et c'est un peu ironique, notamment pour le bois d'œuvre, parce que c'est bien beau, les Américains qui veulent bloquer l'entrée du bois d'œuvre canadien, mais là, ils auront besoin, et puis je ne suis pas sûr que les ressources américaines vont suffire à la tâche là, pour une reconstruction rapide. Et ça, on a vu ça également à Katrina, c'était le cas aussi. Il y a une espèce de boom économique en Louisiane, après l'année ou les deux années qui ont suivi Katrina. On l'a vu dans l'Ouest l'an passé, les incendies de Fort McMurray. C'est un peu paradoxal. Puis ça, c'est un des effets pervers du PIB puis du système économique basé sur la croissance. C'est que des mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles pour le PIB, pour la croissance, puis d'ailleurs, je vais faire un long shot là, en rappelant que ce qui a sorti l'économie mondiale de la crise des années 30, c'est peut-être le keynésianisme, mais c'est peut-être aussi la Deuxième Guerre mondiale, finalement, qui a tellement détruit de choses qu'après ça, il a fallu le reconstruire, puis ça a relancé l'économie mondiale sur les 30 glorieuses. Thèse de Piketty. Ben c'est ça. Alors, c'est plate à dire, mais les malheurs des uns font parfois le bonheur des autres, et donc, paradoxalement, dans le cas de Houston, peut-être que ça va faire le bonheur du Canada et du Québec, des producteurs de bois d'œuvre, dans une certaine mesure, en tout cas. Dans un contexte où on est en train d'en parler, où le bois d'œuvre est vraiment toujours un sujet sensible, notamment avec l'ALENA, ben c'est assez intéressant de le constater. D'ailleurs, juste pour lire un petit segment de cet article dans The Economist où on parle justement de comment la politique du gouvernement exacerbe les ouragans comme Harvey. Ça, c'était des choses qui ont été mentionnées. Je vous en lis juste une petite partie, une bonne partie du texte, mais on rappelle les catastrophes. La mauvaise planification est encore plus grave. La ville de Houston, où il n'existe presque aucune restriction sur l'utilisation des terres, est un exemple extrême de ce qui peut déraper. Les développeurs ont répondu à la croissance rapide de la ville, 1,8 millions d'habitants supplémentaires depuis 2000, mais fait en sorte d'étendre le béton sur de vastes étendues de prairies côtières qui absorbaient la pluie. Depuis 2010, le comté de Harris a autorisé plus de 8600 bâtiments à être installés dans des plaines d'inondation. Les développeurs sont censés construire des étangs pour contenir de l'eau de ruissellement, mais les règles sont peu appliquées. Parce que les cartes ne sont pas mises à jour, les propriétés supposées en dehors des zones d'inondation le sont à plusieurs reprises. Et on ajoute plus loin, tout cela est un test pour le gouvernement de sa capacité de prévoir les coûts, de sa capacité à résister au lobbying des propriétaires et des promoteurs. Mais les politiciens et les responsables qui échouent ce test doivent réaliser que, tôt ou tard, ils se réveilleront avec leur ouragan, eux aussi. Oui. C'est un fait. C'est un fait. Puis d'ailleurs, un de mes collègues m'a envoyé hier un article d'Alfred Stieglitz, prix Nobel d'économie, qui est un de nos auteurs favoris ici à l'émission. Et Stieglitz mentionnait justement que la catastrophe de Houston devrait faire prendre conscience aux États-Unis, et notamment à l'État du Texas, que le gouvernement, l'État, a quand même des rôles à jouer et qu'on aurait tort de toujours essayer de minimiser les ressources de l'État parce qu'on en a besoin et peut-être de plus en plus avec les changements climatiques. Oui, ce questionnement-là, on peut bien l'avoir. Nous, c'est facile de l'avoir parce que le rôle de l'État, d'ailleurs, on en parle suffisamment ici. Mais on se disait avant d'entrer en onde, et je pense que ça vaut la peine de le dire ici aussi, malheureusement, probablement qu'au bout du compte, quand ce sera rebâti, ce questionnement-là, pour bien des gens qui sont ces climato-négationnistes, ce sera derrière nous. Oui, effectivement, on peut malheureusement penser ça. On fait une petite pause, on revient avec le chiffre de la semaine, dans pas long. красавица при мне. Ты песен грозы, Claude, allons-y de ce pas. Je vais attendre que tu prennes ta gorgée. T'as le droit, tu peux. Pendant, je vais au moins rappeler la question. C'est important. On vous a demandé en début d'émission et vous n'êtes pas allé sur Internet pour trouver la réponse. Quelle est la plus grande économie mondiale, la Chine ou les États-Unis? Quel est le rang du Canada, du Mexique? Et réponse plate, ça dépend. Exactement. Ça dépend de l'unité de mesure. Mais oui. Je pense que c'est, en fait, c'est un prétexte qu'on prend, un prétexte un peu amusant pour montrer deux concepts importants, de plus en plus importants en économie. C'est, si on prend en valeur nominale, c'est-à-dire en valeur nominale, ça veut dire le chiffre officiel, là, la production en dollars américains, parce que c'est l'unité de mesure la plus fréquente, les États-Unis arrivent encore au premier rang et par une bonne marge quand même. C'est de l'ordre de 17,3 milliers de milliards. Je pense que les milliers de milliards en français, c'est billions, mais j'ai trop de la misère. En anglais, c'est pas la même. Moi, je ne me souviens pas par cœur non plus. Moi, non. C'est toujours. Faut toujours regarder sur Wikipédia à chaque fois, mais disons que c'est 17,3 milliers de milliards. C'est quand même beaucoup. Les États-Unis, mais la Chine, c'est 10,4. Donc, c'est presque les deux tiers de la Chine. La Chine équivaut à peu près à deux tiers de la production américaine. Donc, les États-Unis sont encore largement en avance. Mais si on prend un autre concept, qui est le concept de parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire avec l'argent que vous avez dans vos poches, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Là, curieusement, la Chine arrive au premier rang. C'est-à-dire traduit en capacité, en pouvoir d'achat des citoyens, des entreprises, des gouvernements, la Chine arrive au premier rang avec 18 000 milliards de dollars à ce moment-là. Les États-Unis sont quand même pas trop loin derrière, à 17,3. Mais les États-Unis passent au deuxième rang. C'est très confondant parce que moi, ça me chicote depuis déjà une couple d'années maintenant. Dans les journaux, on va prendre une ou l'autre mesure. Souvent, on va dire que la Chine a déjà dépassé les États-Unis. Et là, tout le monde en Occident commence à paniquer parce qu'on se méfie. On a tous un peu peur de la Chine. Mais puis le lendemain, un autre article va dire que les États-Unis sont encore en avance. Donc, dépendant de l'unité de mesure, c'est l'un ou l'autre. Les deux sont importants. Les deux unités sont importantes. Là, il ne s'agit pas de préférer l'une ou l'autre. Comme tu l'avais mentionné dans l'entrée de jeu, c'est intéressant de voir la place du Canada et du Mexique là-dedans. En valeur nominale, le Canada arrive au 11e rang. On se posera la question au mois de mai prochain, pourquoi le Canada fait partie du G7? C'est quand même la 11e économie mondiale. Ouais. C'est pas dans le problème. Ça, c'est une autre question qu'on traitera plus tard. Avec 1,8, donc les États-Unis à 17,3, le Canada 1,8 milliers de milliards. On est 10% des États-Unis. On est minuscule par rapport aux États-Unis. Le Mexique arrive derrière nous. Le Canada est au 11e rang. Le Mexique est au 15e rang à 1,3. Canada 1,8. Et Mexique 1,3. Si vous mettez ça en pouvoir d'achat, là, on inverse les rôles. Exactement inversé. Le Mexique arrive au 11e rang et le Canada au 15e rang. Donc, ça veut dire que les Mexicains qui ont des salaires quand même inférieurs aux Canadiens, en général, avec le dollar qu'ils gagnent, ils peuvent se payer beaucoup plus de biens de consommation, disons. Donc, intéressant parce que dépendant de la mesure qu'on prend, que ce soit la comparaison Canada-Chine ou Canada, États-Unis-Chine ou Canada-Mexique, on inverse les rôles. Depuis selon qu'on prend la valeur nominale ou la parité de pouvoir d'achat. J'espère que vous distinguez bien cet élément-là. C'est assez important dans les cours d'économie. En tout cas, on donne l'exemple du Big Mac. C'est comme ça. On dirait que ça a l'air d'être l'exemple absolu. C'est, si vous achetez un Big Mac, ici, il vaut combien par rapport à ce que c'est le même produit ailleurs à l'étranger? Mais c'est vraiment ce dont vous êtes en mesure d'acheter avec le montant d'argent dont vous disposez. C'est pas la même chose. Comme la monnaie n'est pas la même, bon, le pouvoir d'achat n'est pas la même non plus. Mais on le réalise bien et surtout on réalise, je trouve, avec ces chiffres-là, à quel point aussi dans la négociation avec l'ALENA, à quel point, pourquoi le Mexique et le Canada, même ensemble, c'est presque rien à côté des États-Unis. C'est très clair là-dedans. Là. Exactement, oui. Oui. Jean-Claude, en terminant, peut-être un élément sur la Chine, parce que ce tableau-là dit qui est premier, qui est deuxième ou à peu près, mais ce qui est... qu'en est-il de la Chine? Parce que dans les années qui viennent, est-ce qu'on peut quand même s'attendre à ce qu'on en parle, là, que les États-Unis se ramassent deuxième pour vrai? Ça va arriver un jour. Ben, c'est en valeur nominale, moi, je trouve que l'écart est quand même assez grand. C'est-à-dire, entre 17,3 et 10,4 milliards de milliards, il y a une bonne marge à franchir. Mais, comme on disait tantôt, en parité de pouvoir d'achat, ils ont déjà franchi. Moi, je vais peut-être rappeler une chose à laquelle j'ai fait allusion quelques fois l'hiver dernier, puis qui, moi, auquel je crois beaucoup, c'est-à-dire que les premières phases de la croissance d'un pays, ça va relativement bien. Tu as du rattrapage à faire, tu copies la technologie des existants d'un pays plus développé, mais autour de 15 000 $ per capita par moyenne de la population, il y a comme un mur que tu accroches. Là, puis là, normalement, les taux de croissance ralentissent beaucoup. Alors, la Chine, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de disparités en Chine. Il y a des gens très riches, des gens très pauvres, et c'est une moyenne dont on parle ici. Mais la moyenne en Chine, présentement, est autour justement de 15 000 $ américains en moyenne par habitant, de sorte qu'on peut prévoir que le taux de croissance de la Chine va ralentir. Ceci étant dit, ça fait près de 10 ans qu'on dit qu'il va ralentir, puis il est toujours assez rapide. Ouais, quand tu respectes moins les règles, c'est un peu moins compliqué. Merci, Jean-Claude. Ah oui, c'est déjà tout pour nous. Merci. Ça termine cette première émission de la deuxième saison d'Éconophile. Merci beaucoup, Jean-Claude. T'en prie. Alors, j'espère que vous saisissez maintenant un peu mieux ce qui concerne l'ALENA, les enjeux, les risques, ce qu'il faut d'ailleurs aussi surveiller. D'ailleurs, nous mettrons les liens pertinents sur notre blog. Alors, c'est tout pour nous. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Visitez éconophile.net. Merci et à samedi prochain.